Lettre 31e, Lady Howard à Sir John Belmont, baronnet, Howard Grove, 5 mai. Monsieur, vous serez surpris sans doute de recevoir une lettre d'une personne que vous n'avez connue, pour ainsi dire, qu'en passant, et dont vous n'avez plus entendu parler depuis si longtemps. Mais le motif qui m'engage à vous écrire est trop sérieux pour que je puisse perdre le temps en excuses. Je deviendrai d'une longueur insupportable. Vous devinez probablement déjà le sujet dont j'ai à vous entretenir. Vous connaissez l'estime que j'ai eue pour M. Aveline et sa fille. Leurs souvenirs et le bien-être de leur famille continuent toujours à m'être également chers. J'avoue que je suis un peu embarrassé sur la manière d'entamer l'objet que je me propose de traiter avec vous. Mais comme je crois que, dans les affaires de cette nature, la franchise est essentiellement nécessaire pour établir une heureuse intelligence entre les parties intéressées, je me dispense d'un cérémonial pointilleux et je vais droit au fait. Je suppose, monsieur, qu'il serait superflu de vous dire que votre fille est toujours dans le Dorsetshire et qu'elle habite encore dans la maison de M. Villard, où elle est née. Il est vrai que jusqu'ici personne ne s'est informé d'elle, mais nous présumons que les recherches que vous n'aurez pas manqué de faire à son égard nous auront échappé. Je me bornerai donc à ajouter que son éducation est actuellement achevée, qu'elle a rempli toute notre attente et qu'elle est devenue une personne aimable, accomplie et pleine de mérite. Quel que soit le sort que vous lui destiniez, il est temps de le fixer. Elle est généralement admirée et je ne doute pas qu'il se présente non peu des occasions pour l'établir avantageusement. Il conviendra donc de savoir quelles peuvent être ses espérances et vos volontés. Soyez assuré, monsieur, qu'elle mérite toute votre attention. Vous ne la verrez point sans l'aimer, sans lui donner toute la tendresse qu'un père doit à son enfant. Vous retrouverez en elle le portrait de sa mère. Pardonnez, monsieur, si je vous rappelle le souvenir de cette malheureuse dame, mais je dois montrer dans ce moment l'amitié que j'avais pour elle. La mémoire de cette excellente femme n'a été que trop en butte à la calomnie. Il est temps de venger sa réputation. Vous en avez les moyens dans vos mains, et vous ne sauriez le faire d'une manière plus agréable à ses amis, plus honorable pour vous-même, qu'en reconnaissant publiquement votre enfant pour fille de feu Lady Belmont. L'homme respectable qui s'est chargé de son éducation a droit à votre entière reconnaissance. Il s'est acquitté de cette tâche avec le plus grand soin, avec une affection vraiment paternelle. La jeune Evelina est heureuse d'avoir trouvé un ami et un surveillant comme lui. Je ne connais personne qui soit plus estimable et dont le caractère approche plus de la perfection. Permettez-moi, monsieur, de vous assurer que cette chère enfant récompensera largement les bontés que vous pourriez avoir pour elle. Sa tendresse et son obéissance seront pour vous une source de consolation et de félicité. Elle ne désire que d'être légitimement reconnue par son père, et elle consacrera sa vie à mériter votre approbation. Mes représentations n'auront peut-être pas le bonheur de vous plaire, mais je me repose sur la pureté de mes intentions, elle doit me tenir lieu d'excuses, etc., etc. Marie Howard.